Emmanuel Kant, Critique de la raison pure. Introduction. Premier chapitre. De la différence de la connaissance pure et de la connaissance empirique. Il n'est pas douteux que toutes nos connaissances ne commencent avec l'expérience. Car par quoi la faculté de connaître serait-elle appelée à s'exercer si elle ne l'était point par des objets qui frappent nos sens et qui, d'un côté, produisent d'eux-mêmes des représentations, et de l'autre, excitent notre activité intellectuelle à les comparer, à les unir ou à les séparer, et à mettre ainsi en œuvre la matière brute des impressions sensibles pour en former cette connaissance des objets qui s'appelle l'expérience. Aucune connaissance ne précède donc en nous, dans le temps, l'expérience, et toutes commencent avec elle. Si toutes nos connaissances commencent avec l'expérience, il n'en résulte pas qu'elles dérivent toutes de l'expérience. En effet, il se pourrait bien que notre connaissance expérimentale elle-même fût un assemblage composé de ce que nous recevons par des impressions et de ce que notre propre faculté de connaître tirerait d'elle-même, à l'occasion de ces impressions sensibles, quoique nous ne fussions capables de distinguer cette addition d'avec la matière première, que quand un long exercice nous aurait appris à y appliquer notre attention et à les séparer l'une de l'autre. C'est donc, pour le moins, une question qui exige un examen plus approfondi et qu'on ne peut expédier du premier coup que celle de savoir s'il y a une connaissance indépendante de l'expérience et même de toutes les impressions des sens. Cette espèce de connaissance est dite a priori et on la distingue de la connaissance empirique, dont les sources sont a posteriori, c'est-à-dire dans l'expérience. Mais cette expression n'est pas encore assez précise pour faire comprendre tout le sens de la question précédente. En effet, il y a maintes connaissances, dérivées de sources expérimentales, dont on a coutume de dire que nous sommes capables de les acquérir ou que nous les possédons a priori, parce que nous ne les tirons pas immédiatement de l'expérience, mais d'une règle générale que nous avons elle-même dérivée de l'expérience. Ainsi, de quelqu'un qui aurait miné les fondements de sa maison, on dirait qu'il devait savoir, a priori, qu'elle s'écroulerait, c'est-à-dire qu'il n'avait pas besoin d'attendre l'expérience de sa chute réelle. Et pourtant, il ne pouvait pas non plus le savoir tout à fait a priori, car il n'y a que l'expérience qui ait pu lui apprendre que les corps sont pesants et qu'ils tombent lorsqu'on leur enlève leur soutien. Sous le nom de connaissances a priori, nous n'entendrons donc pas celles qui sont indépendantes de telle ou telle expérience, mais celles qui ne dépendent absolument d'aucune expérience. À ces connaissances sont opposées les connaissances empiriques, ou celles qui ne sont possibles qu'a posteriori, c'est-à-dire par le moyen de l'expérience. Parmi les connaissances a priori, celles-là s'appellent pures qui ne contiennent aucun mélange empirique. Ainsi, par exemple, cette proposition « Tout changement a une cause ». Cette proposition est une proposition a priori, mais non pas pure, parce que l'idée du changement ne peut venir que de l'expérience. Chapitre 2. Nous sommes en possession de certaines connaissances a priori, et le sens commun lui-même n'en est jamais dépourvu. Il importe ici d'avoir un signe qui nous permette de distinguer sûrement une connaissance pure d'une connaissance empirique. L'expérience nous enseigne bien qu'une chose est ceci ou cela, mais non pas qu'elle ne puisse être autrement. Si donc, en premier lieu, il se trouve une proposition qu'on ne puisse concevoir que comme nécessaire, c'est un jugement a priori. Si, de plus, elle ne dérive elle-même d'aucune autre proposition qui ait à son tour la valeur d'un jugement nécessaire, elle est absolument a priori. En second lieu, l'expérience ne donne jamais à ses jugements une universalité véritable ou rigoureuse. mais seulement supposée et comparative, c'est-à-dire fondée sur l'induction. Si bien que tout revient à dire que nous n'avons point trouvé jusqu'ici, dans nos observations, d'exception à telle ou telle règle. Si donc on conçoit un jugement comme rigoureusement universel, c'est-à-dire comme repoussant toute exception, c'est que ce jugement n'est point dérivé de l'expérience, mais que sa valeur est absolument a priori. L'universalité empirique n'est donc qu'une extension arbitraire de valeur. D'une proposition qui s'applique à la plupart des cas, on passe à une autre qui vaut pour tous les cas, comme celle-ci par exemple. Tous les corps sont pesants. Lorsqu'au contraire, une rigoureuse universalité est le caractère essentiel d'un jugement, c'est qu'il suppose une source particulière de connaissance, c'est-à-dire une faculté de connaître a priori. La nécessité et l'universalité absolue sont donc les marques certaines de toute connaissance a priori, et elles sont elles-mêmes inséparables. Mais, comme dans l'usage, il est parfois plus facile de montrer la limitation empirique des jugements que leur contingence, ou l'universalité absolue que la nécessité, il est bon de se servir séparément de ces deux critériums, dont chacun est à lui seul infaillible. Maintenant, qu'il y ait dans la connaissance humaine des jugements nécessaires et absolument universels, c'est-à-dire des jugements purs a priori, c'est ce qu'il est facile de montrer. Veut-on prendre un exemple dans les sciences? On n'a qu'à jeter les yeux sur toutes les propositions de mathématiques. Veut-on le tirer de l'usage le plus ordinaire de l'entendement? On le trouvera dans cette proposition que tout changement doit avoir une cause. Dans ce dernier exemple, le concept d'une cause contient même si évidemment celui de la nécessité d'une liaison entre la cause et les faits, et celui de l'absolue universalité de la règle, qu'il serait tout à fait perdu si, comme l'a tenté Hume, on pouvait le dériver de la fréquente association du fait actuel avec le fait précédent, et de l'habitude où nous sommes, et qui n'est qu'une nécessité subjective, d'en lier entre elles les représentations. Il n'est pas nécessaire d'ailleurs de recourir à ces exemples pour démontrer la réalité de principes purs a priori dans notre connaissance. On pourrait aussi la prouver a priori, en montrant que, sans eux, l'expérience même serait impossible. En effet, où cette expérience puiserait-elle la certitude si toutes les règles d'après lesquelles elle se dirige étaient toujours empiriques et, par conséquent, contingentes? Aussi, ne saurait-on donner des règles de ce genre pour des premiers principes? Mais nous nous contenterons ici d'avoir établi comme une chose de fait l'usage pur de notre faculté de connaître, ainsi que le critérium qui sert à le distinguer. Ce n'est pas seulement dans certains jugements, mais aussi dans quelques concepts que se révèle une origine a priori. Écartez successivement de votre concept expérimental d'un corps tout ce qu'il contient d'empirique. La couleur, la dureté ou la mollesse, la pesanteur, l'impénétrabilité, il reste toujours l'espace qu'occupait ce corps, maintenant tout à fait évanoui, et que vous ne pouvez pas supprimer par la pensée. De même, si de votre concept empirique d'un objet quelconque, corporel ou non, vous retranchez toutes les propriétés que l'expérience vous enseigne, vous ne pouvez cependant lui enlever celles qui vous le font concevoir comme une substance, ou comme inhérente à une substance, quoique ce concept soit plus déterminé que celui d'un objet en général. Contraint par la nécessité avec laquelle ce concept s'impose à vous, il vous faut donc avouer qu'il a son siège, a priori, dans votre faculté de connaître. Chapitre 3. La philosophie a besoin d'une science qui détermine a priori la possibilité, les principes et l'étendue de toutes nos connaissances. Une chose plus importante encore à remarquer que tout ce qui précède, c'est que certaines connaissances sortent du champ de toutes les expériences possibles. Et, au moyen de concepts auxquels nul objet correspondant ne peut être donné dans l'expérience, semblent étendre le cercle de nos jugements au-delà des limites de ce champ. C'est justement dans cet ordre de connaissances, qui dépasse le monde sensible et où l'expérience ne peut ni conduire ni rectifier notre jugement, que notre raison porte ses investigations. Et nous les regardons comme bien supérieures, par leur importance et par la sublimité de leur but, à tout ce que l'entendement peut nous apprendre dans le champ des phénomènes. Aussi, au risque de nous tromper, tentons-nous tout plutôt que de renoncer à d'aussi importantes recherches, soit par crainte de notre insuffisance, soit par dédain ou par indifférence. Ces problèmes inévitables de la raison pure sont Dieu, la liberté et l'immortalité. On appelle métaphysique la science dont le but dernier est la solution de ces problèmes et dont toutes les dispositions sont uniquement dirigées vers cette fin. Sa méthode est d'abord dogmatique, c'est-à-dire qu'elle entreprend avec confiance l'exécution de cette œuvre, sans avoir préalablement examiné si une telle entreprise est ou n'est pas au-dessus des forces de la raison. Il semble pourtant bien naturel qu'aussitôt après avoir quitté le sol de l'expérience, on n'entreprenne pas de construire l'édifice de la science avec les connaissances que l'on possède, sans savoir d'où elles viennent, et sur la foi de principes dont on ne connaît pas l'origine, et que l'on s'assure d'abord, par de soigneuses investigations, des fondements de cet édifice, ou que l'on commence par se poser préalablement ces questions. Comment donc l'entendement peut-il arriver à toutes ces connaissances a priori? Quelle en est l'étendue, la valeur et le prix? Il n'y a dans le fait rien de plus naturel, si par ce mot « naturel », on entend ce qui doit se faire raisonnablement. Mais si l'on entend par là ce qui arrive généralement, rien au contraire n'est plus naturel et plus facile à comprendre que ce long oubli de cette recherche. En effet, une partie de ces connaissances, les connaissances mathématiques, sont depuis longtemps en possession de la certitude et font espérer le même succès pour les autres, quoique celles-ci soient peut-être d'une nature toute différente. En outre, dès qu'on a mis le pied hors du cercle de l'expérience, on est sûr de ne plus être contredit par elle. Le plaisir d'étendre ses connaissances est si grand que l'on ne pourrait être arrêté dans sa marche que par une évidente contradiction contre laquelle on viendrait se heurter. Or, il est aisé d'éviter cette pierre d'achoppement, pour peu que l'on se montre avisé dans ses fictions, qui n'en restent pas moins des fictions. L'éclatant exemple des mathématiques nous montre jusqu'où nous pouvons aller dans la connaissance a priori, sans le secours de l'expérience. Il est vrai qu'elle ne s'occupe que d'objets et de connaissances qui peuvent être représentés dans l'intuition. Mais on néglige aisément cette circonstance, puisque l'intuition dont il s'agit ici peut être elle-même donnée a priori, et que par conséquent, elle se distingue à peine d'un simple et pur concept. Entraîné par cet exemple de la puissance de la raison, notre penchant à étendre nos connaissances ne connaît plus de bornes. La colombe légère, qui, dans son libre vol, fend l'air dont elle sent la résistance, pourrait s'imaginer qu'elle volerait bien mieux encore dans le vide. C'est ainsi que Platon, quittant le monde sensible, qui renferme l'intelligence dans de si étroites limites, se hasarda sur les ailes des idées dans les espaces vides de l'entendement pur. Il ne s'apercevait pas que, malgré tous ses efforts, il ne faisait aucun chemin, parce qu'il n'avait pas de point d'appui où il pût appliquer ses forces pour changer l'entendement de place. C'est le sort commun de la raison humaine dans la spéculation de commencer par construire son édifice en toute hâte et de ne songer que plus tard à s'assurer si les fondements en sont solides. Mais alors, nous cherchons toutes sortes de prétextes pour nous consoler de son manque de solidité, ou même pour nous dispenser de le soumettre à une épreuve si tardive et si dangereuse. Ce qui, tant que dure la construction, nous exempte de tout souci et de tout soupçon, et nous trompe par une apparente solidité, le voici. Une grande partie, et peut-être la plus grande partie de l'œuvre de notre raison, consiste dans l'analyse des concepts que nous avons déjà des objets. Il en résulte une foule de connaissances qui, bien qu'elles ne soient que des explications ou des éclaircissements de ce que nous avions déjà pensé dans nos concepts, mais d'une manière confuse, et bien qu'au fond elles n'étendent nullement les concepts que nous possédons, mais ne fassent que les coordonner, n'en sont pas moins estimées, du moins dans la forme, à l'égal de vues nouvelles. Or, comme cette méthode fournit une connaissance réelle a priori, qui a un développement certain et utile, la raison, dupe de cette illusion, se laisse aller sans s'en apercevoir à des assertions d'une toute autre espèce, et elle ajoute a priori au concept donné des idées tout à fait étrangères, sans savoir comment elle y est arrivée, et sans même songer à se poser cette question. Je vais donc traiter tout d'abord de la différence de ces deux espèces de connaissances. Chapitre 4. De la différence des jugements analytiques et des jugements synthétiques. Dans tous les jugements où l'on conçoit le rapport d'un sujet à un prédicat, je ne parle ici que des jugements affirmatifs, il sera facile d'appliquer ensuite aux jugements négatifs ce que j'aurai établi. Dans tous les jugements, ce rapport est possible de deux manières. Ou bien le prédicat B appartient au sujet A comme quelque chose déjà contenu, mais d'une manière cachée, dans le concept A, ou bien B, quoique lié à ce concept, est placé tout à fait en dehors de lui. Dans le premier cas, je nomme le jugement analytique. Je l'appelle synthétique dans le second. Les jugements analytiques, affirmatifs, sont donc ceux dans lesquels l'union du prédicat avec le sujet est conçue dans un rapport d'identité. Ceux où cette union est conçue sans identité sont des jugements synthétiques. On pourrait aussi nommer les premiers des jugements explicatifs et les seconds des jugements extensifs. Les premiers, en effet, n'ajoutent rien par le prédicat au concept du sujet, mais ne font que le décomposer par le moyen de l'analyse en ses divers éléments déjà conçus en lui, avec lui, quoique d'une manière confuse. Les seconds, au contraire, ajoutent au concept du sujet un prédicat qui n'y était pas conçu et qu'aucune analyse n'aurait pu en faire sortir. Par exemple, quand je dis « tous les corps sont étendus », c'est là un jugement analytique. Car je n'ai pas besoin de sortir du concept que j'attache au corps pour trouver l'étendue et l'unir avec lui. Il me suffit de le décomposer, c'est-à-dire d'avoir conscience des éléments divers que je conçois toujours en lui, pour y trouver ce prédicat. C'est donc un jugement analytique. Au contraire, quand je dis « tous les corps sont pesants », ce prédicat est quelque chose d'entièrement différent de ce que je conçois dans l'idée que je me fais d'un corps en général. L'addition de ce prédicat forme donc un jugement synthétique. Les jugements d'expérience sont tous, comme tels, synthétiques. En effet, il serait absurde de fonder un jugement analytique sur l'expérience, puisque, pour former un jugement de cette sorte, je n'ai pas besoin de sortir de mon concept, et par conséquent, de recourir au témoignage de l'expérience. Cette proposition, « le corps est étendu », est une proposition a priori, et non point un jugement d'expérience. En effet, avant de m'adresser à l'expérience, j'ai déjà dans le concept toutes les conditions de mon jugement. je n'ai plus qu'à en tirer le prédicat suivant le principe de contradiction. Et dès lors aussi, j'ai conscience de la nécessité de mon jugement, chose que l'expérience ne saurait m'enseigner. Au contraire, je ne comprends point d'abord dans le concept d'un corps en général le prédicat de la pesanteur. Mais comme ce concept désigne un objet d'expérience qu'il ne détermine qu'en partie, j'y puis ajouter d'autres parties également tirées de l'expérience. Au lieu d'approfondir analytiquement, comme dans le premier cas, le concept du corps, en y reconnaissant certains caractères qui tous y sont compris, tels que l'étendue, l'impénétrabilité, la figure, etc., j'étends ainsi ma connaissance et, en retournant à l'expérience, qui m'a déjà fourni ce concept de corps, j'y trouve l'apesanteur toujours unie au caractère précédent, et je l'ajoute synthétiquement à ce concept comme prédicat. C'est donc sur l'expérience que se fonde la possibilité de la synthèse du prédicat de l'apesanteur avec le concept du corps. Puisque, si l'un des deux concepts n'est pas contenu dans l'autre, ils n'en sont pas moins liés l'un à l'autre, mais d'une manière purement contingente, comme partie d'un même tout, c'est-à-dire de l'expérience, qui est elle-même une liaison synthétique d'intuition. Mais ce moyen d'explication ne saurait nullement s'appliquer au jugement synthétique a priori. Pour sortir du concept A et en reconnaître un autre B comme lui étant lié, sur quoi puis-je m'appuyer? Et comment cette synthèse est-elle possible puisque je n'ai pas ici l'avantage de pouvoir recourir au champ de l'expérience? Comprenne cette proposition. Tout ce qui arrive a sa cause. Dans le concept de quelque chose qui arrive, je conçois bien une existence qu'un temps a précédée, etc. Et je puis tirer de là des jugements analytiques. Mais le concept d'une cause réside tout à fait en dehors de ce concept et exprime quelque chose qui est tout à fait différent de l'idée d'événement et qui, par conséquent, n'y est pas contenu. Comment donc puis-je dire de ce qui arrive en général quelque chose qui en est tout à fait différent et reconnaître que, bien que le concept de la cause n'y soit point contenu, il y est pourtant lié, et même nécessairement. Quel est ici cet inconnu X où s'appuie l'entendement, lorsqu'il pense trouver en dehors du concept A un prédicat B qui est étranger à ce concept, mais qu'il croit devoir lui rattacher? Ce ne peut être l'expérience, puisque le principe dont il s'agit ici, en joignant la seconde idée à la première, n'exprime pas seulement une plus grande généralité, mais qu'il revêt le caractère de la nécessité et que, par conséquent, il est tout à fait a priori et se tire de simples concepts. Tout le but final de notre connaissance spéculative a priori repose sur des principes synthétiques ou extensifs de cette espèce. Car les principes analytiques sont sans doute très importants et très nécessaires, mais ils ne servent qu'à donner au concept la clarté indispensable à cette synthèse sûre et étendue qui seule est une acquisition réellement nouvelle. Chapitre 5. Toutes les sciences théorétiques de la raison contiennent des jugements synthétiques qui leur servent de principe. Il y aura là trois points. Premier point. Les jugements mathématiques sont tous synthétiques. Cette proposition semble avoir échappé jusqu'ici à l'observation de tous ceux qui ont analysé la raison humaine, et elle paraît même en opposition avec toutes leurs suppositions. Elle est pourtant incontestablement certaine, et elle a une grande importance par ses résultats. En effet, comme on trouvait que les raisonnements des mathématiques procédaient tous suivant le principe de contradiction, ainsi que l'exige la nature de toute certitude apodictique, on se persuadait que leur principe devait être connu aussi à l'aide du principe de contradiction. En quoi l'on se trompait? Car si le principe de contradiction peut nous faire admettre une proposition synthétique, ce ne peut être qu'autant qu'on présuppose une autre proposition synthétique, d'où elle puisse être tirée. Mais en elle-même, elle n'en saurait dériver. il faut remarquer d'abord que les propositions proprement mathématiques sont toujours des jugements a priori et non empiriques, puisqu'elles impliquent une nécessité qui ne peut être tirée de l'expérience. Si l'on conteste cela, je restreindrai alors mon assertion aux mathématiques pures, dont la seule idée implique qu'elles ne contiennent point de connaissances empiriques, mais seulement des connaissances pures, a priori. On est sans doute tenté de croire d'abord que cette proposition, 7 plus 5 égale 12, est une proposition purement analytique, qui résulte, suivant le principe de contradiction, du concept de la somme de 7 et de 5. Mais, quand on y regarde de plus près, on trouve que le concept de la somme de 7 et de 5 ne contient rien de plus que la réunion de deux nombres en un seul, et qu'elle ne nous fait nullement connaître quel est ce nombre unique qui contient les deux autres. L'idée de 12 n'est point du tout conçue par cela seul que je conçois cette réunion de 5 et de 7, et j'aurais beau analyser mon concept d'une telle somme possible, je n'y trouverai point le nombre 12. Il faut que je sorte de ces concepts en ayant recours à l'intuition qui correspond à l'un des deux, comme par exemple à celle des 5 doigts de la main, ou, comme l'enseigne Seignier en son arithmétique, à celle de 5 points, et que j'ajoute ainsi peu à peu au concept de 7 les 5 unités données dans l'intuition. En effet, je prends d'abord le nombre 7, et, en me servant pour le concept de 5 des doigts de ma main comme d'intuition, j'ajoute peu à peu au nombre 7, à l'aide de cette image, les unités que j'avais d'abord réunies pour former le nombre 5, et j'en vois résulter le nombre 12. Dans le concept d'une somme égale 7 plus 5, j'ai bien reconnu que 7 devait être ajouté à 5, mais non pas que cette somme était égale à 12. Les propositions arithmétiques sont donc toujours synthétiques. C'est ce que l'on verra plus clairement encore en prenant des nombres plus grands. Il devient alors évident que, de quelque manière que nous tournions et retournions nos concepts, nous ne saurions jamais trouver la somme sans recourir à l'intuition et par la seule analyse de ces concepts. Les principes de la géométrie pure ne sont pas davantage analytiques. C'est une proposition synthétique que celle-ci. Entre deux points, la ligne droite est la plus courte. En effet, mon concept de droit ne contient rien qui se rapporte à la quantité. Il n'exprime qu'une qualité. Et le concept du plus court est donc une véritable addition, et il n'y a pas d'analyse qui puisse le faire sortir du concept de la ligne droite. Il faut donc ici encore recourir à l'intuition. Elle seule rend possible la synthèse. Un petit nombre de principes, supposés par les géomètres, sont, il est vrai, réellement analytiques et reposent sur le principe de contradiction. Mais ils ne servent, comme propositions identiques, qu'à l'enchaînement de la méthode et ne remplissent pas la fonction de véritable principe. Tels sont par exemple les axiomes A égale A, le tout est égal à lui-même, ou A plus B est supérieur à A, c'est-à-dire le tout est plus grand que sa partie. Et cependant, ces axiomes mêmes, bien qu'ils tirent leur valeur de simples concepts, ne sont admis en mathématiques que parce qu'ils peuvent être représentés dans l'intuition. Ce qui nous fait croire généralement que le prédicat de cette sorte de jugements apodictiques est déjà renfermé dans notre concept, et qu'ainsi notre jugement est analytique, c'est tout simplement l'ambiguïté de l'expression. Il nous faut en effet ajouter à un concept donné un certain prédicat, et cette nécessité est déjà attachée au concept. Mais il ne s'agit pas ici de ce que nous devons ajouter par la pensée à un concept donné, mais de ce que nous y pensons réellement, bien que confusément. Or, on voit par là que, si le prédicat se rattache nécessairement à ce concept, ce n'est pas comme y étant conçu, mais au moyen d'une intuition qui doit s'y joindre. Deuxième point. La science de la nature, ou la physique, contient des jugements synthétiques a priori qui lui servent de principe. Je ne prendrai pour exemple que ces deux propositions. Dans tous les changements du monde corporel, la quantité de matière reste invariable. Deuxième exemple, dans toute communication du mouvement, l'action et la réaction doivent être égales l'une à l'autre. Il est clair que ces deux propositions non seulement sont nécessaires et ont par conséquent une origine a priori, mais encore qu'elles sont synthétiques. En effet, l'idée de matière ne me fait pas concevoir sa permanence, mais seulement sa présence dans l'espace qu'elle remplit. Je sors donc réellement du concept de matière pour y ajouter a priori quelque chose que je n'y concevais pas. La proposition n'est donc pas conçue analytiquement, mais synthétiquement, quoique a priori. Et il en est de même de toutes les autres propositions de la partie pure de la physique. Troisième point. La métaphysique, même envisagée comme une science qu'on n'a fait que chercher jusqu'ici, mais que la nature de la raison humaine rend indispensable, doit aussi contenir des connaissances synthétiques a priori. Il ne s'agit pas seulement, dans cette science, de décomposer et d'expliquer analytiquement par là les concepts que nous nous faisons a priori des choses, mais nous y voulons étendre a priori notre connaissance. Nous nous servons à cet effet de principes qui ajoutent au concept donné quelque chose qui n'y était pas contenu. Et au moyen de jugements synthétiques a priori, nous nous avançons jusqu'à un point où l'expérience elle-même ne peut nous suivre. Comme par exemple dans cette proposition. Le monde doit avoir un premier principe, etc. C'est ainsi que la métaphysique, envisagée du moins dans son but, se compose de propositions a priori purement synthétiques. Chapitre 6. Problème général de la raison pure. C'est avoir déjà beaucoup gagné que de pouvoir ramener une foule de recherches sous la formule d'un unique problème. Par là, en effet, non seulement nous facilitons notre propre travail, en le déterminant avec précision, mais il devient aisé, à quiconque veut le contrôler, de juger si nous avons ou non rempli notre dessein. Or, le véritable problème de la raison pure est renfermé dans cette question. Comment des jugements synthétiques a priori sont-ils possibles? Si la métaphysique est restée jusqu'ici dans un état d'incertitude et de contradiction, la cause en est simplement que cette question, peut-être même la différence des jugements analytiques et des jugements synthétiques, ne s'est pas présenté plus tôt aux esprits. C'est de la solution de ce problème, ou de l'impossibilité démontrée de le résoudre, que dépend le salut ou la ruine de la métaphysique. David Hume est de tous les philosophes celui qui s'en est le plus approché, mais il est loin de l'avoir conçu avec assez de précision et dans toute sa généralité. S'arrêtant uniquement à la proposition synthétique de la liaison de l'effet avec sa cause, il crut pouvoir conclure que ce principe est tout à fait impossible a priori. Il résulte de son raisonnement que tout ce qu'on nomme métaphysique n'est qu'une pure opinion consistant à attribuer à une vue soi-disant rationnelle ce qui en réalité ne nous est connu que par l'expérience, et tire de l'habitude l'apparence de la nécessité. Il n'aurait jamais avancé une pareille assertion qui détruit toute philosophie pure s'il avait eu devant les yeux notre problème dans toute sa généralité. Car il aurait bien vu que, d'après son raisonnement, il ne pourrait y avoir non plus de mathématiques pures, puisqu'elles contiennent certainement des propositions synthétiques a priori, et son bon sens aurait reculé devant cette conséquence. La solution du précédent problème suppose la possibilité d'un usage pur de la raison dans l'établissement et le développement de toutes les sciences qui contiennent une connaissance théorétique a priori de certains objets, c'est-à-dire qu'elles supposent elles-mêmes une réponse à ces questions. Comment les mathématiques pures sont-elles possibles? Comment la physique pure est-elle possible? Puisque ces sciences existent réellement, il est tout simple que l'on se demande comment elles sont possibles, car il est prouvé par leur réalité même qu'elles doivent être possibles. Mais pour la métaphysique, comme elle a toujours suivi jusqu'ici une voie détestable, et comme on ne peut dire qu'aucune de ses tentatives, jusqu'à présent, pour atteindre son but essentiel, ait réellement réussi, il est bien permis à chacun de douter de sa possibilité. Cependant, cette espèce de connaissance peut aussi, en un certain sens, être considérée comme donnée. Et la métaphysique est bien réelle, sinon à titre de science, du moins à titre de disposition naturelle, comme métaphysique naturelle. En effet, la raison humaine, poussée par ses propres besoins, et sans que la vanité de beaucoup savoir y soit pour rien, s'élève irrésistiblement jusqu'à ces questions qui ne peuvent être résolues par aucun usage expérimental de la raison, ni par aucun des principes qui en émanent. C'est ainsi qu'une sorte de métaphysique se forme réellement chez tous les hommes dès que leur raison est assez mûre pour s'élever à la spéculation. Cette métaphysique-là a toujours existé et existera toujours. Il y a donc lieu de poser ici cette question. Comment la métaphysique est-elle possible à titre de disposition naturelle? C'est-à-dire, comment naissent de la nature de l'intelligence humaine en général ces questions que la raison pure s'adresse et que ses propres besoins la poussent à résoudre aussi bien qu'elle le peut? Comme dans toutes les tentatives faites jusqu'ici pour résoudre ces questions naturelles, par exemple celle de savoir si le monde a eu un commencement, ou s'il existe de toute éternité, comme on y a toujours rencontré d'inévitables contradictions, on ne saurait se contenter de cette simple disposition à la métaphysique dont nous venons de parler, c'est-à-dire se reposer sans examen sur cette seule faculté de la raison pure qui ne manque pas de produire une certaine métaphysique, bonne ou mauvaise. Au contraire, il doit être possible d'arriver sur les objets des questions métaphysiques, à une certitude, soit de connaissance, soit d'ignorance, c'est-à-dire de décider si la raison pure peut, ou ne peut pas, porter quelque jugement à leur égard, et par conséquent d'étendre avec confiance son domaine, ou de lui fixer des limites précises et sûres. Cette dernière question, qui découle du problème général précédemment posé, revient à celle-ci. Comment la métaphysique est-elle possible à titre de science? La critique de la raison finit donc nécessairement par conduire à la science. Au contraire, l'usage dogmatique de la raison sans critique ne conduit qu'à des assertions sans fondement, auxquelles on en peut opposer d'autres tout aussi vraisemblables, c'est-à-dire, en un mot, au scepticisme. Aussi, cette science ne peut-elle avoir une étendue bien effrayante, car elle n'a point à s'occuper des objets de la raison, dont la variété est infinie, mais de la raison elle-même, ou des problèmes qui sortent de son sein et qui lui sont imposés non par la nature des choses, fort différente d'elle-même, mais par sa nature propre. Dès qu'elle a appris d'abord à connaître parfaitement sa puissance relativement aux objets qui peuvent se présenter à elle dans l'expérience, il devient alors facile de déterminer d'une manière complète et certaine l'étendue et les limites de l'usage qu'on en peut tenter en dehors de toute expérience. On peut donc et l'on doit considérer comme non avenues toutes les tentatives faites jusqu'ici pour constituer dogmatiquement la métaphysique. En effet, ce qu'il y a d'analytique dans telle ou telle doctrine de ce genre, c'est-à-dire la simple décomposition des concepts qui résident a priori dans notre raison, ne représente que les préliminaires de la métaphysique et nullement le véritable but de cette science, qui est d'étendre synthétiquement nos connaissances a priori. Elle est impropre à ce but, puisqu'elle ne fait que montrer ce qui est contenu dans ces concepts, et non pas comment nous y arrivons a priori, et que, par suite, elle ne nous apprend pas à en déterminer la légitime application aux objets de toute connaissance en général. Il n'y a pas besoin d'ailleurs de beaucoup d'abnégation pour renoncer à toutes les prétentions de l'ancienne métaphysique. Les contradictions de la raison avec elle-même, contradictions qu'il est impossible de nier, et tout aussi impossible d'éviter dans la méthode dogmatique, l'ont depuis longtemps discrédité. Ce qu'il faudra plutôt, c'est une grande fermeté, pour ne pas se laisser détourner, soit par les difficultés intérieures, soit par les résistances extérieures, d'une entreprise qui a pour but de faire fleurir et fructifier, suivant une méthode nouvelle et entièrement opposée à celle qui a été suivie jusqu'à présent, une science indispensable à la raison humaine, une science dont on peut bien couper tous les rejetons poussés jusqu'ici, mais dont on ne saurait extirper les racines. Septième chapitre. Idée et division d'une science spéciale, appelée critique de la raison pure. De tout cela résulte l'idée d'une science spéciale qui peut s'appeler critique de la raison pure. En effet, la raison est la faculté qui nous fournit les principes de la connaissance a priori. La raison pure est donc celle qui contient les principes au moyen desquels nous connaissons quelque chose absolument a priori. Un organon de la raison pure serait un ensemble de tous les principes d'après lesquels toutes les connaissances pures a priori peuvent être acquises et réellement constituées. Une application détaillée de cet organon fournirait un système de la raison pure. Mais, comme ce serait beaucoup demandé que d'exiger un tel système, et comme c'est encore une question de savoir si, en général, une extension de notre raison est possible ici, et dans quel cas elle est possible, nous pouvons regarder comme la propédeutique du système de la raison pure une science qui se bornerait à examiner cette faculté, ses sources et ses limites. Cette science ne devrait pas porter le nom de doctrine, mais de critique de la raison pure. Son utilité, au point de vue de la spéculation, ne serait réellement que négative. Elle ne servirait pas à étendre notre raison, mais à l'éclairer et à la préserver de toute erreur, ce qui est déjà beaucoup. J'appelle transcendantale toute connaissance qui ne porte point en général sur les objets, mais sur notre manière de les connaître, en tant que cela est possible a priori. Un système de concepts de ce genre serait une philosophie transcendantale. Mais ce serait encore trop pour commencer. En effet, une pareille science devant embrasser à la fois toute la connaissance analytique et toute la connaissance synthétique a priori serait beaucoup trop étendue pour le but que nous nous proposons, puisque nous n'avons besoin de pousser notre analyse qu'autant qu'elle est indispensablement nécessaire pour reconnaître les principes de la synthèse a priori, la seule chose dont nous ayons à nous occuper. Telle est notre unique recherche, et elle ne mérite pas proprement le nom de doctrine, mais seulement celui de critique transcendantale, puisqu'elle n'a pas pour but d'étendre nos connaissances, mais de les rectifier et de fournir une pierre de touche qui nous permette de reconnaître la valeur ou l'illégitimité de toutes les connaissances a priori. Cette critique sert donc à préparer, s'il y a lieu, un organon, ou du moins, à défaut de cet organon, un canon, d'après lequel en tout cas pourrait être exposé plus tard, tant analytiquement que synthétiquement, le système complet de la philosophie de la raison pure, que ce système consiste à en étendre ou seulement à en limiter la connaissance. Car que ce système soit possible, et même qu'il ne soit pas tellement vaste qu'on ne puisse espérer de le construire entièrement, c'est ce qu'il est aisé de reconnaître d'avance en remarquant qu'il n'a pas pour objet la nature des choses, qui est inépuisable, mais l'entendement, qui juge de la nature des choses, et encore l'entendement considéré au point de vue de la connaissance a priori. Les richesses qu'il renferme ne sauraient nous demeurer cachées, puisque nous n'avons pas besoin de les chercher hors de nous. Et selon toute apparence, elles sont assez peu étendues pour que nous puissions les embrasser tout entières et les apprécier à leur juste valeur. Il ne faut pas non plus chercher ici une critique des livres et des systèmes de la raison pure, mais celle de la faculté même de la raison pure. Il n'y a que cette critique qui puisse nous fournir une pierre de touche infaillible pour apprécier la valeur des ouvrages philosophiques anciens et modernes. Autrement, l'historien et le critique, dépourvus de toute autorité, ne font qu'opposer aux vaines assertions des autres des assertions qui ne sont pas moins vaines. La philosophie transcendantale est l'idée d'une science dont la critique de la raison pure doit esquisser tout le plan d'une façon architectonique, c'est-à-dire par principe, de manière à nous assurer pleinement de la perfection et de la solidité de toutes les pièces qui doivent composer l'édifice. Elle est le système de tous les principes de la raison pure. Si la critique ne porte pas déjà elle-même le titre de philosophie transcendantale, cela vient simplement de ce que, pour être un système complet, il lui faudrait renfermer aussi une analyse détaillée de toute la connaissance humaine a priori. Or, notre critique est sans doute tenue de mettre elle-même sous les yeux du lecteur un dénombrement complet de tous les concepts fondamentaux qui constituent cette connaissance pure. Mais elle s'abstient avec raison de soumettre ces concepts mêmes à une analyse détaillée ou de faire une revue complète de tous ceux qui en dérivent. D'autre part, en effet, cette analyse, qui est loin de présenter la difficulté de la synthèse, détournerait la critique de son but, qui n'est autre que cette synthèse même. Et d'autre part, il serait contraire à l'unité du plan de s'engager à offrir tout entière une analyse et une déduction qui ne sont point du tout nécessaires relativement au but qu'on se propose. Cette perfection dans l'analyse des concepts a priori primitifs, ainsi que dans le recensement de tous ceux qui peuvent ensuite en dériver, est d'ailleurs chose facile à obtenir, pourvu qu'ils aient été d'abord exposés en détail à titre de principe de la synthèse, et que rien ne manque par rapport à ce but essentiel. Tout ce qui constitue la philosophie transcendantale appartient donc à la critique de la raison pure. Et cette critique représente l'idée complète de la philosophie transcendantale, mais non pas cette science même. Elle ne s'avance en effet dans l'analyse qu'autant qu'il est nécessaire pour juger parfaitement la connaissance synthétique a priori. Le principal soin à prendre dans la division d'une pareille science, c'est de n'admettre aucun concept qui contienne quelque élément empirique, ou de faire en sorte que la connaissance a priori soit parfaitement pure. C'est pourquoi, bien que les principes suprêmes de la moralité et les concepts fondamentaux de cet ordre de connaissance soient a priori, ils n'appartiennent cependant pas à la philosophie transcendantale. Car si les concepts du plaisir et de la peine, des désirs et des inclinations, etc., qui sont tous d'origine empirique, ne servent point de fondement à leur prescription, du moins entrent-ils nécessairement avec eux dans l'exposition du système de la moralité pure, soit comme obstacle que le concept du devoir ordonne de surmonter, soit comme penchant qu'il défend de prendre pour mobile. La philosophie transcendantale n'est donc que celle de la raison pure spéculative. En effet, tout ce qui est pratique, en tant qu'il s'appuie sur des mobiles, se rapporte à des sentiments dont les sources sont empiriques. Si l'on veut diviser cette science d'après le point de vue universel d'un système en général, elle devra contenir, premièrement, une théorie élémentaire de la raison pure, et deuxièmement, une méthodologie de cette même raison. Chacune de ces parties capitales a nécessairement ses subdivisions, mais il n'est pas besoin d'en exposer ici les principes. Il suffit, ce me semble, dans une introduction, de remarquer qu'il y a deux souches de la connaissance humaine, qui viennent peut-être d'une racine commune, mais inconnue de nous, à savoir la sensibilité et l'entendement. La première par laquelle les objets nous sont donnés, la seconde par laquelle ils sont pensés. La sensibilité appartient à la philosophie transcendantale en tant qu'elle contient des représentations a priori, qui constituent la condition sous laquelle des objets nous sont donnés. La théorie transcendantale de la sensibilité doit former la première partie de la science élémentaire, puisque les conditions sous lesquelles seuls les objets de la connaissance nous sont donnés précèdent nécessairement celles sous lesquelles ils sont pensés.